Section 60 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiana Popescu. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud. Chapitre 13, troisième partie. Les Tchèques et les Magyars de 1437 à 1526, par Ernest Denis. Les Tchèques et les Magyars de 1437 à 1526. La Hongrie et la Bohême après la mort de Sigismond. L'anarchie. Le gendre de Sigismond, Albert V d'Autriche, l'empereur Albert II, auquel il laissait ses royautés multiples et ses nombreux embarras, ne manquait ni d'intelligence ni d'énergie. Il était bon, quoique allemand, écrit un chroniqueur tchèque, hardi et pitoyable. Il est peu vraisemblable qu'il eût réussi à triompher des difficultés d'une situation presque inextricable et des préventions invincibles de ses sujets. La dysenterie, qu'il contracta dans une expédition contre les Turcs, lui épargna sans doute des cruelles mésaventures. 1439. Après lui, sa veuve Élisabeth, puis l'empereur Frédéric III, essayèrent vainement de maintenir les droits des Habsbourg. Même après que les diètes ont reconnu les titres du fils d'Albert, Ladislas le posthume, 1439-1457, l'autorité de cet enfant est purement nominale, et sous cette ombre de royauté, les partis redoublent de violence et la confusion est au comble. En Bohême, non seulement les fiefs lointains de la couronne, mais les deux Lusaces, la Silésie, la Moravie même, s'habituent à une existence indépendante. Pour certains de ces pays, la Silésie par exemple, cette scission est rendue irréparable par les haines des races. Les seigneurs les plus riches se disputent l'influence ou songent à se tailler des principautés à demi indépendantes. La justice est interrompue, des bandes courent leurs campagnes, les âmes s'abaissent, les meilleurs n'ont pour conviction que des haines, le plus grand nombre que des intérêts. La cour de Rome, qui n'a jamais reconnu les compactats et qui à ce moment même triomphe de l'opposition des conciles, et réhabitue peu à peu au joug les princes et les peuples, guette le moment où la fatigue et l'énervement lui livreront ces rebelles dont l'audace a été épuisée par la guerre et qu'embarrasse leur triomphe. En Hongrie, le péril est plus redoutable encore. Chaque année marque un nouveau progrès des infidèles. Vladislav de Pologne, à qui une partie des nobles avait offert la couronne, est tué dans la terrible bataille de Varna, 1444, sans que ce retentissant revers provoque autre chose qu'une émotion momentanée et réussisse à faire naître des viriles résolutions. Il y avait cependant, dans ces pays si cruellement éprouvés, des réserves inconnues de dévouement et de courage. Il suffit pour les évoquer de l'apparition de quelques chefs remarquables. Le Magyar révère encore aujourd'hui les noms de Jean Hunyadi et de Matthias Corvin. Les Tchèques placent Georges de Podiebrade à côté de Hus et au-dessus de Ziska. Leur patriotisme est clairvoyant et l'histoire a le devoir de proclamer les services de ces grands chefs nationaux qui, réparant les erreurs des dynasties étrangères, donnèrent encore à la Bohême et à la Hongrie quelques années de gloire. Georges de Podiebrade et Matthias Corvin. Georges de Podiebrade, que ni ses richesses ni l'illustration de sa famille n'appelaient au premier rang, appartenait par ses origines au parti réformateur, et une tradition un peu suspecte lui donne Ziska pour parrain. Il rappelle beaucoup moins, d'ailleurs, le farouche sectaire que notre Henri IV. Comme le grand roi français, il mettait au-dessus de tous les dogmes l'amour de la patrie. Et sa raison tolérante se proposa de désarmer les haines en garantissant à tous le respect des droits de la conscience. De piété sincère mais large, ambitieux mais incapable de satisfaire son ambition par des moyens coupables et toujours prêt à le sacrifier aux intérêts supérieurs du pays, accessible aux vastes combinaisons et aux projets compliqués, mais n'y cherchant qu'un amusement ou une diversion, s'il fut moins heureux que Matthias, ce n'est pas cependant qu'il lui fût inférieur. Ses qualités, pour ne pas frapper l'imagination, n'en conquièrent que plus sûrement le respect. Un valaque de médiocre naissance, nommé Voïck, s'était poussé auprès de Sigismond et avait reçu au sud-ouest de la Transylvanie le château de Hunyadi, qui donna son nom à la famille. Le fils de Voïck, Jean Hunyadi, dont la bravure était célèbre dans une noblesse où la témérité était une tradition générale, devint vite populaire par ses exploits, ses talents stratégiques, l'ardeur de sa foi et la confiance qu'il rendit aux troupes. Ses défaites à Varna et à Kosovo n'ébranlèrent pas sa popularité. Il la justifia lorsqu'en 1456, il défendit victorieusement Belgrade contre Mohamed II. Aeneas Sylvius comptait sur lui pour commander la croisade qu'il préparait. Avec lui sont mortes nos espérances, écrivait-il tristement en apprenant que le défenseur de Belgrade avait succombé dans son triomphe. Les Magyars récompensèrent l'héroïsme de Jean Hunyadi en offrant la couronne à son fils Matthias Corvin, 1458. Il n'avait pas 15 ans, mais sa maturité précoce déconcerta ceux qui avaient espéré régner sous son nom. Très dur, impérieux, violent, il resta toujours l'idole de la nation. Elle semblait se reconnaître en lui, avec sa fougue, son éloquence, sa vivacité et sa finesse d'esprit, son orgueil aussi, et son dédain des ménagements et des scrupules. Aussi redoutable dans le cabinet que sur le champ de bataille, fort instruit, unissant à une rare connaissance des hommes une extraordinaire puissance de travail, moins grand par les qualités du cœur que par celles de l'intelligence, l'esprit haut et l'âme trouble, il avait plus d'ambition pour lui que pour son pays. Il se piquait d'érudition, encouragea l'humanisme, protégea les lettres et les arts. Depuis 1476, surtout, après son mariage avec la fille de Ferdinand de Naples, Béatrice, sa cour devint la réunion des beaux esprits italiens dont la reconnaissance s'épanchait en prose et en vers. Le plus célèbre, Antoine Bonfini d'Ascoli, écrivit dans un latin fort élégant une histoire de Hongrie qui est restée longtemps populaire. Le chancelier du roi, l'archevêque Jean Vitesse, qui joignit à des talents politiques supérieurs une rare instruction et le goût très vif des sciences, recrutait en Allemagne des professeurs remarquables pour l'université que le roi fondait à Presbourg, et parmi eux le célèbre astronome Regio Montanus réunissait dans sa bibliothèque plusieurs milliers de manuscrits. Matthias protégeait les artistes, embellissait les châteaux royaux et les ornait de statues et de tableaux. Il n'empruntait pas seulement des artistes à l'Italie, mais des ouvriers, des agriculteurs qui importaient en Hongrie des procédés de culture plus rationnels ou y introduisaient des industries inconnues. La sécurité était complète, le commerce reprenait, la prospérité se développait, le peuple s'habituait à respecter dans le roi le défenseur du droit et de la paix publique, et l'armée permanente, qu'il avait peu à peu créée, lui permettait de réprimer sans difficulté les tentatives d'insurrection qui agitaient de temps en temps encore la noblesse. La main de Podiebrad était moins lourde, mais il s'inspirait des mêmes principes et obtenait des résultats analogues. Très souple, habile à profiter de la lassitude universelle et à ménager toutes les espérances, il lui suffit de rendre à la royauté son rôle naturel de gardienne de l'ordre et de la sécurité générale pour grouper autour de lui la grande masse du peuple et réveiller le sentiment national aux dépenses de l'exclusivisme religieux. Alors, dit un vieux chroniqueur, une grande satisfaction régnait dans le pays. Les rétablissements des tribunaux, la sécurité des routes, l'apaisement des esprits ramenaient le travail et la richesse. L'université retrouvait un peu d'animation. L'influence de la réforme religieuse se manifestait par la diffusion des lumières et le goût de la discussion et de l'étude qui pénétrait dans toutes les classes et qui donne une physionomie si curieuse et si particulière au peuple bohème à cette époque. Suspects à leurs voisins, les Tchèques se repliaient sur eux-mêmes et se renfermaient dans un amour toujours plus ardent pour leur patrie et leur race. C'est le moment où la Bohême devient bien nettement un royaume slave. Les Allemands, qui forment aujourd'hui encore un tiers de la population totale du royaume, n'informaient plus guère alors qu'un dixième. Le Tchèque se répand au dehors, reconquiert la Moravie et plusieurs districts de la Silésie devient la langue diplomatique d'une partie de l'Europe orientale. Fin des guerres hussites. Mort de Matthias Corvin. Ces résultats n'avaient pu être obtenus que grâce à l'attitude de la curie, qui ménageait Georges parce qu'elle espérait sa conversion. Dès qu'elle s'aperçut qu'il ne lui sacrifierait pas les compactas, elle reprit les hostilités, et en 1466, Paul II lança l'excommunication majeure contre Georges de Kunstadt-Podiebrad, qui se dit roi de Bohême, hérétique, relapse et fauteur d'hérésie. Pour exécuter son arrêt, le pape accepta les offres de secours de Matthias, 1468. Une guerre terrible commença, poursuivie par le roi de Hongrie, avec un impitoyable acharnement. Abandonné par une partie de ses sujets, menacé par des forces supérieures, le roi hussite resta en somme victorieux, puisqu'il déjoua les projets du pape. Pour la seconde fois, l'Église catholique avait échoué dans ses desseins et l'insurrection avait bravé ses colères. Pas plus que par le passé, les papes ne se résignèrent à confirmer les compactats et à sanctionner ainsi officiellement le triomphe de leurs adversaires. Mais ils ne comptèrent plus désormais pour le soumettre que sur le temps et le hasard, et absorbés par d'autres soucis, se désintéressèrent d'un conflit où ils n'avaient trouvé que des déceptions. À la diète de Kutna-Hora, Gutenberg, en 1485, les catholiques et les utraquistes de Bohême s'engageaient réciproquement à respecter leurs privilèges et leurs croyances, et depuis lors, la paix religieuse du royaume ne fut plus sérieusement menacée jusqu'à la réforme. Quelques troublés qui étaient les dernières années de Podiebrad, son règne n'avait donc pas été perdu, et la reconnaissance des Tchèques ne s'est pas égarée quand ils l'ont choisi pour leur héros national. Aucun de leurs rois n'a aimé son peuple d'un amour plus sincère et aucun ne lui a rendu de plus réels services. En arrêtant les progrès de l'anarchie, il a rendu impossible une réaction catholique qui, à une époque où la nationalité slave était encore incomplètement trempée, eût sans doute assuré le triomphe des éléments germaniques. Les victoires de Podiebrad sur la coalition catholique prépare la chute définitive du Moyen-Âge et annonce l'ouverture d'une ère de tolérance et d'indépendance religieuse. Le diplomate subtil complète l'œuvre du martyr de Constance. Les dernières années de Matthias Corvin sont plus éclatantes que celles de Podiebrad. Pour obtenir la paix, le successeur de Georges, Vladislav Jagellon de Pologne, avait dû céder au roi de Hongrie par les préliminaires d'Olmütz, 1478, confirmés par les traités de Brun, 1479, la Moravie, la Silésie et la Lusace. Frédéric III s'enfuyait devant lui et lui abandonnait sa capitale. Maître ainsi de presque toutes les provinces qui constituent aujourd'hui la monarchie autrichienne, moins la Galicie et la Bohême, étroitement unis à la papauté, en relation intime avec les Wittelsbach et les Suisses, il exerçait sur l'Europe orientale et centrale une sorte de primauté. L'Autriche vaincue atteste ma force, dit l'orgueilleuse épitaphe qu'il s'est composée lui-même. J'étais la terreur du monde. L'empereur d'Allemagne et l'empereur des Turcs ont tremblé devant mon épée. La mort seule a pu venir à bout de moi. Éphémère grandeur qui ne reposait sur rien. Comme Louis d'Anjou, Matthias, en poursuivant vers le nord et l'ouest des stériles conquêtes, avait négligé les intérêts essentiels de la Hongrie. Le moment y était favorable pour reprendre l'offensive contre les Turcs. La guerre contre les infidèles, qui avait fondé la grandeur des Hunyadi, aurait seule assis solidement leur domination en la justifiant. Matthias, en se détournant des événements qui s'accomplissaient dans la région du Danube inférieur, avait sacrifié l'œuvre nécessaire et profitable à des prestigieuses chimères. Il avait poursuivi la gloire et il ne laissa qu'un grand nom. Les Jagellons, décadence de la royauté. Quelque temps avant sa mort, par un de ces coups de génie par lesquels se révélaient à la fois son habileté diplomatique et la sincérité de son patriotisme, Podiebrad, renonçant à l'espérance de fonder une dynastie, avait décidé les États de Bohême à choisir pour son successeur le fils de Casimir de Pologne, Vladislav Jagellon, 1469. Après la mort de Matthias Corvin, les Magyars élurent également Vladislav, 1490-1516. Depuis lors, les deux royaumes n'ont plus été séparés. Porté par les événements, Vladislav réalisait, sans coup férir, le rêve si longtemps caressé par tant des princes différents. Maître de la Bohême de la Hongrie, sûr de l'appui de la Pologne, il pouvait fonder un puissant empire qui opposerait aux envahissements des musulmans une invincible résistance et garantirait les Slaves et les Magyars contre les retours offensifs de l'Allemagne. Encore fallait-il une persévérance forte et veillée et une main à la fois légère et ferme pour habituer à une vie commune des peuples qui séparaient tant de souvenirs et pour contenir les instincts de désordre qui depuis plus d'un siècle énervaient la Bohême et la Hongrie et préparaient leur asservissement. Bienveillant et pacifique, protecteur éclairé des arts, avec le goût de la justice, l'amour du repos et la crainte des affaires, Vladislav manquait de résolution et d'activité. Incapable de résister à une demande ou à un conseil, il buvait comme un pigeon tout ce que l'on mettait devant lui. « Bien, très bien, » répondait-il à tout ce qu'on lui disait. On finit par l'appeler le roi Ben. Quand il mourut, son fils Louis lui succéda, 1516-1526. Il avait une dizaine d'années. En fait, le règne des Jagellons n'est qu'un véritable intérim de la couronne, et les nobles en profitent pour réaliser leur rêve de domination. À Prague, une sorte de code général, connu sous le nom de la Constitution de Vladislav et approuvé par le roi en 1500, sanctionne leur triomphe. Le roi ne peut rien faire sans l'autorisation de la diète, c'est-à-dire des seigneurs qui y dominent. Il n'a ni armée, ni finances, ni administration. Les fonctionnaires, pris parmi les nobles et qui ne peuvent être destitués par le roi, sont moins les officiers de la couronne que les délégués des États. Leur mission consiste non à réaliser la volonté du souverain, mais à la limiter et à la surveiller. Les seigneurs sont maîtres absolus sur leur domaine, et les décisions du roi ne sont exécutées sur leurs terres qu'autant qu'ils y consentent. Dans la première rédaction de la Constitution, le nom du roi n'était pas prononcé, et cette omission répondait fort bien à la réalité des choses. Les capitulations électorales du 31 juillet 1490, par lesquelles Vladislav achète la succession de Matthias Corvin, impliquent de même une complète abdication. Il s'engage à n'introduire aucune nouveauté, à respecter toutes les anciennes libertés, le palatin, qui est devenu peu à peu une sorte de vicaire général du royaume, ne sera nommé qu'avec l'assentiment des nobles. Le souverain ne peut donner même 100 paysans qu'avec l'approbation de la diète. L'armée, toute féodale, est constituée par les contingents des simples nobles et par les banderias de 200 cavaliers lourdement armés et de 200 hussards que lèvent et commandent les hauts barons du royaume. Les domaines de la couronne sont usurpés. Les redevances que votent de temps en temps les États ne rentrent pas. Les officiers royaux ne sont pas payés. « J'ai vu moi-même, à Bude, écrivit du Bravius, de laquais de la cour se rendre avec des bouteilles vides auprès de l'évêque de Petsch et mendier du vin pour le dîner du roi. « Tu es notre roi, nous sommes tes seigneurs, » disent aux Jagellons les nobles tchèques. Le fait est plus vrai peut-être encore pour la Hongrie que pour la Bohême. Anarchie et servage, décadence morale et politique. Cet anéantissement de l'autorité suprême, fâcheux déjà parce qu'avec elle disparaissait un facteur de modération et de paix, devint surtout désastreux parce que les nobles se montrèrent complètement hors d'état d'exercer le pouvoir qu'ils avaient usurpé. Aussi incapables de se passer des souverains que de leur reconnaître les pouvoirs indispensables à l'exercice de l'autorité, prêts à tous les entraînements et sujets à toutes les défaillances, plus avides qu'ambitieux, plus envieux des droits des autres que persévérants dans la défense des leurs, ils ne réussirent à organiser que l'anarchie et paralysèrent le développement matériel et moral du pays, sans même mettre à l'abri ses libertés contre les brusques surprises et les coups d'État. La petite noblesse aliéna au profit de quelques chefs de parti ses forces et ses droits. Comme dans la Pologne du XVIIIe siècle, elle ne défendit avec tant d'opiniâtreté les privilèges qu'elle avait usurpés que parce qu'elle prétendait en trafiquer. Besogneuse et turbulente, elle fut la matière toujours prête des guerres civiles. Non pas que les seigneurs fussent indifférents aux destinées de leur patrie. Favorisés par les divisions de l'Allemagne, le mouvement national magyar et slave continuait, et les décrets des diètes complétaient l'œuvre commencée quelques 50 ans plus tôt par les révoltes militaires. La haine de l'étranger était toujours aussi vigilante. Jamais, disait le célèbre manifeste de la diète hongroise de 1503, ce royaume n'a souffert plus cruellement que quand il a été gouverné par des rois étrangers. Mais ce patriotisme redondant s'épuisait en vaines et intermittentes récriminations. Les rancunes des partis et les intérêts personnels absorbaient l'attention, et les résolutions héroïques ne servaient le plus souvent qu'à les dissimuler ou tout au plus à les excuser. Les troubles continuels, en arrêtant le commerce et en ruinant la prospérité matérielle, empêchaient d'autre part la formation ou arrêtaient les progrès d'une classe moyenne qui eût été intéressée à maintenir l'ordre et eût pu devenir une garantie de stabilité politique. Quant au peuple, il avait disparu depuis que les nobles avaient enfin réussi à réduire à une éternelle servitude les habitants de campagne. En Bohême, la condition des paysans était moins dure qu'en Hongrie, et les traditions de liberté s'y maintenirent plus longtemps. Les mœurs y étaient plus douces, les idées religieuses surtout y inclinaient les maîtres à la modération. L'oppression ne deviendra réellement odieuse qu'après le triomphe de la réaction catholique à la suite de la guerre des Trente Ans. Cependant, de la fin du XVe siècle, la classe agricole est liée à la glèbe. Livrée à l'arbitraire des seigneurs, dont les exigences pèsent lourdement sur elle. Les revendications démocratiques qui ont marqué le début des guerres hussites n'ont abouti qu'à supprimer les dernières garanties que possédaient les colons. Les seigneurs expieront cruellement leur imprévoyante avidité. Quand ils se trouvèrent de nouveau en face de l'invasion, ils appelleront en vain aux armes le fils des compagnons de Ziska. Personne ne leur répondra. De toute la nation, il ne reste plus qu'une noblesse isolée et démoralisée. Dans ces conditions, le progrès général de la civilisation et de la richesse est plus lent que dans la plupart des pays voisins. Les blessures laissées par les luttes précédentes se ferment avec une extrême lenteur, la population n'augmente guère et les réserves économiques ne se reconstituent pas. Sur ces corps anémiés, les régimes les plus généreux perdent leur action régénératrice. L'humanisme n'est que l'amusement de quelques dilettantes, et la liberté religieuse, si valeureusement conquise, n'est plus qu'un prétexte à scolastique ergotage et une cause nouvelle de division. L'utraquisme, qui reste la religion de la grande majorité des Tchèques, ne leur offre ni confession précise, ni hiérarchie régulière. Entêtés à poursuivre avec Rome une réconciliation impossible, ne reconnaissant l'autorité sacerdotale qu'aux prêtres régulièrement ordonnés par les évêques, ils recrutent au moyen d'expédients suspects un clergé ignorant et peu scrupuleux que la misère livre à la discrétion des seigneurs. De ces misérables directeurs du peuple, les meilleurs s'imaginent qu'ils restent fidèles à l'esprit de Hus, parce qu'ils maintiennent avec une opiniâtreté farouche la communion sous les deux espèces ou la lecture de l'épître en slave, rebelles sans conviction qui ne défendent plus que le cadavre d'une révolution et n'offrent à leurs ouailles que des vaines et creuses formules. Beaucoup s'aperçurent de la pauvreté de cette église nationale qui traînait une apparence d'existence et ne vivait plus que par habitude. Quelques-uns retournent au catholicisme, les autres, moins timorés, tourmentés par une passion religieuse plus intense, cherchèrent à rendre quelque signification à l'utraquisme et comme une âme à l'hérésie. Le plus célèbre des sectes qui sortirent de cette fermentation des âmes est celle des frères bohèmes, qui reconnaissaient comme leur fondateur Pierre Chelchitsky. Né dans les dernières années du XVe siècle, sans grande instruction, mais éloquent à force de sincérité et de chaleur d'âme, il avait ressenti avec une extraordinaire vivacité ce besoin de rénovation morale, d'où était sorti le mouvement hussite. Assez indifférent aux dogmes et à la théologie, il prêchait la réalisation sur la terre de la parole du Christ. Aucune doctrine ne convenait mieux à des esprits surmenés et désabusés. L'unité des frères, organisée d'abord par Grégoire, son premier évêque, puis transformée et comme adoucie par Lukács de Prague, vers la fin du XVe siècle, prit une rapide extension. En face du catholicisme en décadence et de l'utraquisme ankylosé, elle parut un moment appelée à réconcilier dans l'Évangile les parties tchèques. La Bohême et la Hongrie réunies à l'Autriche. Si regrettables que fussent quelques-unes des modifications constitutionnelles qui avaient marqué le XVe siècle, quelque déplorables en particulier et dangereuses que fussent les lois qui condamnaient à une dure servitude l'immense majorité de la population, il n'était pas encore défendu d'espérer le triomphe des idées sensées et du patriotisme. La liberté, même désordonnée, n'a jamais une action absolument débilitante. Divers symptômes favorables annonçaient un réveil de l'esprit public, un bohème surtout, où le patriotisme était sinon plus sincère, du moins plus clairvoyant, et où les instincts d'anarchie étaient moins invétérés et moins généraux. La petite noblesse, magyare ou slave, indisciplinée et turbulente, était valeureuse et animée dans son ensemble des sentiments généraux. L'infiltration germanique était arrêtée. Un Charles IV ou un Podiebrad eussent trouvé sans peine dans la nation les éléments d'un gouvernement réparateur. Toutes les espérances d'un meilleur avenir s'évanouirent quand les Magyars et les Tchèques crurent nécessaire de confier leur destinée aux Habsbourg. Leur était-il possible, au moment où s'organisaient les grandes monarchies occidentales, de persister dans leur isolement, et auraient-ils résisté longtemps aux ambitions qui les guettaient de toutes parts? En face du péril turc, chaque jour plus menaçant, comment n'auraient-ils pas cherché à réunir leurs forces? Il est certain du moins que leur nouveau souverain leur firent payer fort cher une protection fort incomplète. En 1516, Louis II succédait à son père Vladislav dans la double royauté de Bohême et de Hongrie. 10 ans après, le 29 août 1526, il périssait à Mohács dans une bataille contre les Turcs. Le sultan Soliman II entra dans Bude. Les Turcs restèrent près de 2 siècles maîtres de la plus grande partie de la Hongrie. Le reste accepta pour roi Ferdinand d'Autriche, qui avait épousé la fille de Vladislav, Anne, 17 décembre 1526. Il avait déjà été élu roi de Bohême par les États de Prague. La Bohême et la Hongrie n'ont jamais repris depuis leur existence indépendante, et leur histoire est désormais inséparable de celle de la monarchie autrichienne. Fin de la section 60.